suis né dans la cité qui enfante les usines, là où des hommes turbinent toute une vie sans s'arrêter, avec leurs hautes cheminées qui s'élancent vers le ciel, comme pour cracher leur fumée en des nuages artificiels. Et dans le bruit des sirènes, des hommes vont, des hommes viennent. C'est la grande ville qui rugit, c'est la grande ville qui surgit. Comme c'est drôle, ces gens qui marchent dans la rue. Comme c'est drôle, la vie perdue dans la cohue. La sérénade des fauchés monte comme une mélopée. La sérénade des gens bien, et puis de ceux qui ne sont pas bien. Et moi, je les regarde vivre. Et je trouve ça drôle. Mais il y a dans la cité une fille à la peau douce. À la va comme je te pousse, une fille toujours mal peignée. Elle a sa robe déchirée, mais j'ai trouvé dans ses yeux un bout de ciel qui s'est égaré, qui n'appartient qu'à nous deux. Je ne vois plus les usines, je n'entends plus les machines. Qui donc se dresse sur la cité? C'est l'amour et sa liberté. Comme c'est drôle, l'amour qui marche dans la rue. Comme c'est drôle, un cœur perdu dans la cohue. La sérénade de l'amour, la sérénade des faubourgs, monte, monte sur la cité pour lui chanter sa mélopée. Et moi, je suis là pour la suivre. Et je trouve ça drôle.